muradin, cucina l'albore di Cabrara, l'eco portato da Bivinco, quante luci non para, e olio pampa suo cinco a quella storia marinara. Ci è bulsuto per giunghi a fine, acquista l'erte umaneggio, a maestra la pesarina, angoscia e passione a pureggio, porta la vera e confine, e strada nave non mareggio, porta la vera e confine, strada nave non mareggio. Amore di Avalia e virtù, da chi le muradi in quel mese di ferraggio in l'isolo tu so svertadi un e po' l'altro esodore o un vente a cappella ad acqua tu so splendore ancusa gnorio a riella a morta d'ossa con tulore e per su la so cittadella morta d'ossa con sulla società della amore di Abaglia e virtù bandera alta un po' di più amore di Abaglia e virtù bandera alta un po' di più più gli è amara sconfitte più gli è bella vittoria a colonia si sta zitta luce si spenta in casa sua o così genua convinta da vene verso via de gioia a irranata messa a ballo promette ore radulcire qui sopra l'ova ferro gallo l'uomo un fascesso deride con la ponente rosso giallo le cose aspetta d'altre ride con la ponente rosso giallo le cose aspetta d'altre ride. I giamagiaresi, Cabrara, sabe, Cabrara, penso che gli è mintuato a battaglia di Cabrara presa dai nazionali corsi in 1765, se non mi sbaglio mica, a destra Ciro Moradi, di cui molto era amore di Abadria e virtù. Voici per la petite anecdote. Allez, tout de suite, nous retrouvons Christophe Zagaia dans l'émission E Campa Cui. Il nous emmène cette semaine du côté de la pieve de Dalcini. Pieve di Dalcini, donc, on continue à se promener en compagnie de Christophe. Aujourd'hui, nous sommes dans le village de Santa Lucia di Mercurio e siamo nell'esplotazione d'un giovane ritirato, Gian Pedro Geronimi. E campa qui, Nanta RCFM. Un viuminale di Santa Lucia di Mercurio, di qui che Gian Pedro Geronimi ha avuto l'esplotazione. Quando ho principiato un luogo che si chiama Egaserci, quando ho principiato a fare una storia in 76. Dopo aver fatto gli studi, sono stato una vecchia passione che mi ha sempre tenuto e che mi ha sempre accompagnato tutti i giorni, la passione di Ebicure. I mo' antichi, che siano un mo' abbone, o di aperte di mamma in Bastirga, facevano Ebicure di Noelle. Un'è caccia di nazione un mo' abbo che uno non mica fatti i pastori perché un mo' abbone non mica ursuto. Ha detto un voglio mica che così ha sotto messa più famiglie che voi. E l'ha mandato tutti a stantarsi un pane, un mo' abbo si è ingaggiato e io gli ho ripiato a seguito. Gian Pedro è di Santa Lucia, ma l'origine di famiglia è in Calaguccia. Ah, e comunque parecchi secoli che li so qui. Se volete, in Eolo, ai antichi Calaguccia, impiegavano, poi non mi castacco un animale. normali in Euro e impiegavano, andavano in piaggia, ce n'è che sono stati in giro accorti nei paesi vicino, a ritrovate le casate. U pastore ha avuto e begure e oacche? E non tutte, io in tutte e oacche e ho continuato solo con le begure, perché non si può mica fare tutto in stesso tempo e poi con l'affare di controllo europeani non si può mica maestare e quando è oacche mai ho. Cioè avere sempre sotto la mano e non mi conveniva mica, io facevo l'allevo importante, cacciavamo i deli di luglio, facevo un'operata, giù a tutte le mohacche, una via più fa ho abbandonato e ho continuato a quei begure che sa mai stegnano meglio. Gian Pietro ha venduto usolate e ha fatto st'ultimi anni usavo mai. Il mestiere è soprattutto una passione, dopo più va e più costa caro, c'è più stagione, siamo obbligati a incettare tutti i prodotti, siamo obbligati a incettare a pizzicare tutto ciò che ci vuole per far viaggiare un'esportazione e a nostra roba non abbiamo mica vendere dopo carino chi ci va a mettersi a portare di quelli che hanno a comprare e quelli che comprano il maio più di una volta sono mica quelli che hanno più soldi, sono quelli che non ne hanno mica, ora i siccheragnelli e tutto ciò che va da commerciare mica solo noi begure, noi non è gabbre, non i burcelli, per noi incarisce, siamo obbligati a investire più, ma non possiamo mica vendere un formaggio per esempio 15 euro un formaggio. Io ho sempre venduto i formaggi a 5 euro, non ho mai avuto abbastanza. Oramai, Gian Pietro Geronimi ha ritirato, il pastore di Santa Lucia di Mercurio ha legato a esplodazione il suo figliolo Pedro Santo, che aveva voglia di ribigliare la vita. Ecco dunque, seguita di un viaggio da un lato di Abbiave di Dalcini, domani in compagnia di Cristofano Sacra in dell'emissione Campa Qui. Chaque jour, vous utilisez de l'eau, mais cette ressource est épuisable. Chaque goutte compte pour préserver la richesse de nos territoires et assurer notre avenir. Agissons ensemble, tant qu'il est encore temps. Cette campagne vous est proposée par la collectivité de Corse, ses offices et agences. Comme un rinasci infinigi. France Bleu, partenaire de Fort Boyard sur France 2. Aventure, solidarité, dépassement de soi. Tout l'été, retrouvez les épreuves cultes qui vont mettre au défi les aventuriers de la semaine. Retrouvez Elsa Fayer, Jordan Mouirak, Brahim Asloum, Teoura Tewi, Fred Musa, Yasmin Ouglis. Fort Boyard, nouvelle saison, présentée par Olivier Mine, samedi à 21h10 sur France 2. Avec France Bleu. Da Sotta a Luciana, da Sarte a Siscu, RCFM con noi si deve. E da qui a qualche minuto avremo piacere di ritrovare un strato di nostra emissione Ovorom, ma intanto continuiamo in canzone con Pedro Galfucci, un commediante. E a tutti un bello dopo mezz'ora all'ascolto di Frequenza Mora. In cosa va la sulla suizo, ci manna già di el pantalone largo. Pageria saiente in cusminguli e pianti usi e lugumenianze. Pageria l'incide. A sovide una vola batta io già d'amore chi trinega l'uso corre cui so scarpi d'amanti tanto tanto si lampa e quando hai ante si campa l'uomo è tanto felice chi tanto faccia liscia una lacrima scuriscia scaccanate di tutti maravigliati chi di figlio le mistero e girà un mondo intero bella fa scappa la dispero o maghi dolce tributo desse esempio è venuto e l'amico in un giugno se luce in un ore un ceratore del padrone che lo abbia con passione stendo assente il mio canto quando sono sera stanco che non lo lasci da canto stendo assente il mio canto quando sono sera stanco che non lo lasci da canto. Au Gomédiante, à voix, j'ai dit Pedro Elfouch, une entière CFM. Tout de suite, un extrait de votre émission Le Forum. Pierre-Jean a appelé Le Forum pour évoquer, selon lui, un point noir sur la route de l'extrême sud, le feu rouge de Santa Lucia di Bortivecchio. Oui, malheureusement, c'est un problème récurrent. Il y a plusieurs solutions qui ont été apportées, mais bon, ça évolue pas. Hier, je suis parti de Solenzar à 9h30 du matin. Je suis arrivé juste à la sortie de Porto Vecchio à Sotte à 12h30. 3 heures de route, c'est laborieux. Alors, juste un constat, hein. Je ne sais pas ce que les autres en pensent. Il y a des feux rouges qui ne sont pas adaptés. Il y a des files de voitures. J'étais arrêté à Fauté. Je pense que s'il y avait des personnes qui régulent la circulation aux heures d'affluence, ça serait plus fluide. Je vois, moi, sur Olmeto, il y a deux feux rouges pour traverser le petit village. Il n'y a jamais d'embouteillage. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je pense qu'éventuellement, on pourrait faire l'essai, parce que chaque année, c'est pareil. Vous arrivez entre 10h et 13h, 14h, vous avez des files de voitures, et après, c'est fluide. C'est ça qui est incroyable. Après, vous roulez jusqu'à Porto Vecchio, bien sûr. Mais je veux dire, s'il y a quelqu'un qui pourrait mettre un essai, d'avoir deux personnes et de faire la régulation sur la voie, c'est peut-être plus intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, il y avait eu ces fameuses caméras là pour fluidifier la circulation. Ça date de l'été dernier, me semble. Oui, il y a eu un gain. Hein. Mais je veux dire, les personnes sur le terrain, je pense qu'elles seraient plus amenées à fluidifier. Parce que c'est incompréhensible. Vous passez Sainte-Lucie, le feu rouge, et ensuite vous roulez. Vous avez des voies. Quand vous attendez, vous voyez les voitures de l'autre côté, sur la sens inverse. Il n'y a personne. Donc c'est fluide après. Oui. Voilà, on peut faire un essai. Ça ne coûte rien. Toujours des solutions. Oui, donc voilà, encore pas mal de choses à améliorer. Donc, hein. Éventuellement, je pense que lui-même serait mieux que le feu rouge. Et d'ici quelques minutes, nous aurons le plaisir de retrouver l'actualité régionale en compagnie d'Alexandre Sanguinetti, ce sera votre journal. Et puis à partir de 18h, une émission spéciale entre 18 et 19h qui sera consacrée à la Soja Skolagours avec l'équipe de Skolagours qui va venir nous présenter un petit peu un bilan après 3 années d'activité, les propositions d'enseignement également qui sont faites. Nous aurons le plaisir de recevoir Pasquale Gastellani, Dize Pudurchini et Anna Gadalina Santucci. En attendant, nous poursuivons en musique sur RCFM. Voici un grand classique des années 60, The Box Tops, The Letter. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm going home. My baby, so wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spare. Got to get back to my baby. Get back to The Box Tops, The Letter sur RCFM. Il est 18h. Et le journal vous est présenté par Alexandre Sanguinetti. Bonsoir. Bonsoir. Elisabeth Borne à Witzenheim, près de Colmar dans le Haut-Rhin. L'incendie d'un gîte y a fait 11 victimes ce matin. Des personnes en situation de handicap en séjour sur place avec une association de Nancy. La première ministre s'est d'abord rendue au centre opérationnel de secours à Colmar avant de rencontrer sur place les secours. Elle a témoigné donc de son émotion au milieu d'ailleurs des camions de pompiers qui étaient toujours affairés. C'est évidemment un drame épouvantable et je veux dire toute ma tristesse et ma solidarité aux familles qui sont très durement éprouvées. C'est un drame qui nous touche tous au cœur de l'été. Ici en Alsace, où les élus se sont immédiatement mobilisés, mais également partout en France. Donc il est trop tôt aujourd'hui pour tirer les enseignements de ce drame. Une enquête est en cours et permettra de faire toute la lumière. Et bien naturellement, nous allons nous assurer d'un bon accompagnement, de la bonne prise en charge de toutes les victimes et des familles des victimes également. Retour en Corse avec une actualité plus légère, dirons-nous, et un événement rare dans le Cap Corse. Une tortue kawan d'environ un mètre d'envergure est venue pondre des œufs directement sur la plage de Petra Corbar hier soir vers 23h en face du restaurant La Ville. Un périmètre de sécurité a été mis en place pour protéger cette ponte. Maddy Kanchem est la directrice du parc naturel marin du Cap Corse. C'était important pour nous parce qu'en fait, il y a plusieurs pontes en Méditerranée cette année, en Italie, sur la côte française. Et en fait, les tortues kawan, elles pondent plutôt leurs œufs à l'est de la Méditerranée, donc en Grèce, en Turquie, au Liban, donc voilà. Et cette année, elles se sont rapprochées de l'Ouest. Donc on ne sait pas encore exactement pourquoi. Alors c'est sûr que tout le monde pense à la température, au changement climatique, mais on ne sait pas. Donc voilà. L'important pour nous, c'est que lorsqu'une espèce protégée arrive sur le parc marin et dans une plage fréquentée, c'est qu'on puisse mettre en sécurité donc les œufs qui vont rester sous le sable à peu près 40 jours, peut-être un mois et demi, deux mois. On espère en début octobre qu'il y ait des petites tortues qui rejoignent la mer. C'est assez exceptionnel. Il y a 5 ans, on avait vu un essai ou une ponte sur la plaine orientale. Donc c'est très rare, effectivement. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'on la voit parce qu'il y en a peut-être d'autres qui ont pondu sur les plages à 10h30 ou 11h du soir, mais on ne les voit pas. Après, elles recouvrent leurs œufs et puis le matin, quelquefois, si on arrive tôt, on voit les traces sur la plage. Sinon, on ne les voit pas. Une interview signée Alexandre Golini. Les voitures électriques de plus en plus nombreuses en Corse. En moins de 3 ans, l'électrique a fait un véritable bond, à tel point que nous sommes la région qui compte le plus de voitures électriques par habitant, avec une croissance de 47% rien qu'en 2022. Un succès rencontré tant du côté des particuliers que chez les loueurs de voitures, chez certains en tout cas. Chez Philippe Auto, franchisé Hertz, la flotte électrique plus l'hybride dépasse désormais les 50% du total. Et contrairement aux idées reçues, l'île est particulièrement adaptée aux véhicules électriques, comme l'explique Gilles Philippe, le dirigeant de Philippe Auto, avec Clémence Gourdon-Negrini. Aujourd'hui, les autonomies moyennes des véhicules, c'est 300-350 km. De mémoire, entre la pointe du Cap Corse et l'extrême sud, vous avez 250 km. Donc aujourd'hui, c'est effectivement une idée reçue. Puis après, on va vous dire qu'il y a des montagnes, donc le véhicule monte et perd de l'énergie. Mais il ne faut pas oublier qu'après avoir monté, on redescend et que là, il y a la récupération d'énergie et que vous retrouvez presque avec le même pourcentage au départ du col jusqu'à la descente du col. Voilà. Le vrai véhicule qui est adapté à la Corse, c'est vraiment le véhicule électrique. Une interview réalisée un jour de vent, vous l'avez entendu. Poursuite ce mercredi de notre série sur le travail menée par les offices du tourisme en Corse, dans chaque territoire, au plus près donc de leur réalité. Nous sommes allés à Bastia, en pleine orientale, et aujourd'hui, Christophe Dudigeli, nous sommes en Balagne. Des plages de sable blanc au village de Pierre de Taille, il n'y a qu'un pas. Et c'est l'un des atouts avancés par l'Office du tourisme de Calvi-Balagne. Destination déjà très plébiscitée sur l'île, la Balagne offre un accès routier rapide entre mer et village, dont certains villages labellisés plus beaux villages de France. Pour vendre le territoire, une plateforme en ligne créée par l'Office du tourisme permet de réserver hébergement et activités. Un tourisme d'expérience qui, comme les autres régions de Corse, commence à gagner du terrain, comme les rencontres avec les artisans. Depuis plusieurs années, la Balagne mise également sur le sport comme vecteur touristique. Les investissements investissement réalisé permet de l'organisation d'importants événements sportifs, Open international de tennis, compétition de VTT, trail, départ du GR20. Selon la mairie de Calvi, chaque événement attire en moyenne 2000 personnes. Sur l'année, les retombées économiques sont estimées à 1 million d'euros. La Balagne veut s'inscrire également dans un tourisme hors saison. Le sport est l'une des portes d'entrée. Et au chapitre des faits divers, pas mal d'interventions encore pour les services de secours. En montagne, au lac de Mélo, un randonneur de 50 ans s'est fracturé le poignet. Il a dû être transporté en hélicoptère vers l'hôpital de Bastia. Idem pour une femme de 45 ans qui s'est blessée à la cheville après une chute dans le canyon de Verdiello. À noter également un accident de quad à la sortie du village du Piedigroge. Et deux jeunes de 15 et 14 ans qui souffrent de traumas divers ont dû être pris en charge par les secours, évacués vers le centre hospitalier de Falconadia. Alexandre. Fini pour aujourd'hui. Fini pour aujourd'hui, absolument. Retour de l'actualité demain matin à l'aube. À l'aube, à 6h, avec Caroline Salion et Patrick Oros. Voilà, et nous leur souhaitons le meilleur courage, le meilleur succès possible. Oui, vous savez, ils ne les dérangent pas, vous savez, ils ont l'habitude. Ils sont rompus à la discipline. Ils sont rompus à l'exercice, sans problème. Allez, bonne soirée à vous. Ciao. Concert événement à Porto Vecchio. Jean Mincogne et ses amis seront au stade Claude Papi le 18 août. Avec la participation exceptionnelle de Christophe Maé et du Gospel and Soul Voices. J'ai trouvé le pays des merveilles, chérie. Allons prendre l'air. En première partie, vous retrouverez Clem Stans et Delia Lugier. Si j'avais su que je t'aimais si fort, je t'aurais aimé bien plus encore. L'after sera assuré par le DJ Philippe Corti. One, two, three, four. Jean Mincogne et ses invités prestigieux vous attendent le vendredi 18 août à partir de 20h au stade Claude Papi à Porto Vecchio. Gagnez vos places en écoutant RCFM. Le bonheur, il est là, il est là. France Bleu. Madagi. Ogni orno a prudetti l'acqua, ma sa risorsa può sparire. Ogni goccia conta, per mantenere la ricchezza di nostri territori e assicurare una chavena. Muimuci insieme, finché è sempre tempo. Sa campagna è proposta da Gulitività di Corsica, i suoi uffici e agenzie. Come rinasci un finigi. Calme apparent, risque présent. Vous vous baignez en rivière, près d'un barrage ou d'une usine hydroélectrique? À cet endroit, le niveau de l'eau et le courant peuvent monter brusquement. C'est un vrai risque. Restez vigilants, surveillez l'eau qui monte et ne vous éloignez jamais des berges. Plus d'infos sur corse.edf.fr. Devenons l'énergie qui change tout. L'énergie, il nous sta bene. Tenimola conto. Da Falegna a Albertacce, da Eisa a Antisanti, RCFM, con noi si deve. Segui a qualche minuto i nostri invitati di oggi con questa missione speciale consacrata a Scuola Corsa che sa fa che intanto subito ti occupo la traccia con dopo. Dopo aver visto Roni ed altri paesi italiani, aver visto d'altri fiumi solchiato altri mari, portuali mio profumi, quelli più tenuti cari, portuali mio profumi, quelli più tenuti cari, al di là di quelli date per tant'altri scorni, case cune erano me, d'altri albore di orni, odie per compiesse leghe, sono andati i miei ritorni, sono andati i miei ritorni. Dopo aver visto luoghi e tante confine spare, hai visto d'altra pro chi sponde oce sponda mare, o tu erdi di mio voghi, un mio sole le soffiare, o tu erdi di mio voghi, un mio sole le soffiare, al di là di quelli è. Date per tanta triste, ventesi canti di tante nuove confine. Dopo aver fatto distanti e certi di orestine, ora mi faccio davanti col baston degli uturchine. Ora mi faccio davanti col baston degli uturchine. Dopo aver visto coste e un altro orizzonte, inteso d'altre proposte, con paraglio fatto fronte. Avvocati e mio risposte, porto vicino al mio monte. Avvocati e mio risposte, porto vicino al mio monte. Al di là di guerriere, per tant'altri scorni, ma se tu le rando un meno, altri altri giorni, ogni è per compiesse, sono da di mio ritorni, sono da di mio ritorni, sono da di mio ritorni. Dopo la traccia nanta RCFM. RCFM. L'invité. Et oggi nella nostra Berta invitata abbiamo piacere d'accogliere una Berta abbastanza larga di a squadra di Scuola Gorsa, la Soggio Scuola Gorsa. Abbiamo da parlare dunque insieme di sofferta di scuole immersive in lingua gorsa. Fa un piccolo bilancio, non su giusto, non sa darsa rientrata. Prospettive da bene e poi possibilità contenuto di formazione, primi ritorni per parlare di tutto questo. Abbiamo un primo luogo piacere d'accogliere Anna Gadalina Santucci, a coordinatrice dunque di pedagogica di Scuola Gorsa. Salute. Salute a tutti. Salute Marc-Andrea. Salute a voi. La du Scuola Gorsa Bastia Pasquale Castellani. Salute. Salute. E poi la du Scuola Gorsa e Geremo Federazione Baladini, che lei all'insieme di scuole di Seppu Turchini. Salute. Saluto, giovanotte e buongiorno a tutti. Allora, una prima domanda ma io da girare verso Anna Gadalina. Siamo a terza rientrata, a un livello pedagogico, a un livello di zideli, di ritorni di baranti, chi seria il primo bilancio? Allora, il primo bilancio di baranti di assai positivo, di baranti e di noi da parte di squadre pedagogiche, perché chi si vuole progressi tremendia, che lo sia a livello di lingua o di l'imparare generale, perché chi non ce l'ha mica scordati, siamo una scuola immersiva, siamo in immersione, ma di non una scuola che seguida i programmi e la tesi dell'educazione nazionale. Dunque, a valutazione si va non a lingua bella sicura, ma non a tutti i domini di competenza che lo aspetta in scuola moderna, però posso dire che a scuola moderna, da sapere dunque che giungiamo a fine di oggi per i nostri primi allievi, a fine di scuola moderna, e che dunque vogliamo fare un bilancio per rapporto alla tesi aspettata a livello dell'educazione nazionale, e chi i nostri scolari sono proprio appiazzati per rapporto a questa tesi qui. Allora, giusto appunto, avremo l'occasione di fare un piccolo bilancio ancora secondo Jean-André Giannichini, che è a tecnica che da a qualche tempo vorrà e l'udino da usopare non ta uso dietro, e l'udino posta che non ci siamo dice Pudurchini, avant la Corse il y a eu quand même une expérience, un recul temporel, il me semble d'une quarantaine d'années sur les écoles immersives. On a ce constat au-delà de la langue, au-delà du fait que ça réussit à transmettre, que ce soit le basque, le breton, en Corse, le corse, il y a toujours ce constat, entre guillemets, un constat d'excellence au niveau des résultats. Il me semble, est-ce que c'est quelque chose qui est partagé entre le Pays basque et la Bretagne et les calendrettes, c'est-à-dire en Pays d'Oc? Oui, au risque de nous répéter, parce que nous avons l'impression de faire... Répéter n'est pas radoter, dit Giosavio Dasco. Et la pédagogie est une répétition. Hein, nous sommes bien placés pour le savoir. Donc, effectivement, vous avez dit 40 ans, mais c'est même 50 en ce qui concerne le Pays Basque et le réseau d'Iwan en Bretagne. Une solide expérience qui prouve quoi ? Qui prouve, études scientifiques à l'appui, que l'enfant non seulement bilingue, mais plurilingue, parce que le bilinguisme ouvre tout naturellement et très facilement au plurilinguisme. Guardate un sito che parla corso, il giorno è veramente poco a fare per ammaestrare l'italiano. E una settimana in Italia. Ah, è appena di immersione. E poi gli stessi affari per lo spagnolo, non così appena più lontano, ma gli stessi affari giusto appunto per le lingue occidentali, per il catalano, il portoghese, dunque il brasiliano, dunque mi ripeto di non costi più di una miliarda e assai di più, di rogutori, non ta ubianeda, san. Qu'est-ce qu'on prime à faire? Et la seconde chose que démontrent les études scientifiques, de plus en plus, notamment les études canadiennes, parce que c'est une région très avancée sur ce sujet-là, c'est que l'enfant plurilingue est plus efficace, plus efficient dans toutes les disciplines. Alors, ça semble un peu peut-être prétentieux quand on l'énonce comme ça, mais c'est pourtant la vérité. Hein. Là aussi, je me répète, mais les interactions cognitives, cérébrales, neuronales font que l'enfant est plus une plastique cérébrale plus importante et c'est comme ça, hein, il est plus efficace dans les matières, y compris scientifiques, hein, pas seulement les matières littéraires. Donc, cette excellence-là, sans se gargariser, sans se gaver de grands mots, quand on dit excellence, c'est essayer de faire le maximum pour pratiquer une langue, en pratiquer plusieurs, s'ouvrir sur le monde moderne multipolaire d'aujourd'hui, et aussi, on en parlera peut-être après, donner un contenu d'enseignement. Perché imparare in lingua gossa è già una farona, ma cosa imparare di noi? Hein? Il faut qu'on fabrique de futurs citoyens, et ces citoyens-là, connaissant leur terroir, leur patrimoine, leur langue, leur histoire, ils sont beaucoup plus à même de mettre en valeur leur territoire. Et là, s'ouvre des champs immenses et passionnants. Alors justement, là, je vais rebondir, je vais m'adresser à la maîtresse, entre guillemets, Anna Catalina Santucci. Au-delà de la langue corse, qui est la langue véhiculaire, dirons-nous, de l'enseignement, quelle serait la philosophie générale du contenu pédagogique de Scola Corsa, et dans quelle mesure diffère-t-il du contenu, je dirais, d'une école classique, quoi, de ce que propose aujourd'hui l'éducation nationale? Alors, en ce qui concerne le contenu, c'est-à-dire si vraiment on va sur les matières, on va dire, enseignées, ben c'est exactement la même chose. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, on suit le programme, on doit se conformer aux attentes, d'autant plus qu'on est en attente de contractualisation. Donc là-dessus, on ne diffère pas de l'éducation nationale en ce qui concerne les attendus de fin de cycle, les attendus de fin d'année, etc. C'est vrai qu'on essaye aussi de développer une pédagogie un petit peu pédagogie impignadi, hein. Donc bien évidemment il n'est pas interdit dans l'éducation nationale de développer des pédagogies dites alternatives. Il y a beaucoup d'enseignants qui pratiquent les pédagogies Montessori, il y en a quelques-uns également qui pratiquent les pédagogies Freinet, etc. On n'est pas les seuls à vouloir ce genre de pédagogie. Maintenant, c'est vrai qu'on essaye d'axer beaucoup là-dessus au niveau de la formation, pour que, eh bien, nos enseignants ensuite puissent avoir le choix d'adopter ces pédagogies-là dans leur classe. Alors, il y a un aspect qui est important dans Scola Corsa, et là je vais m'adresser aussi aux parents d'élèves, Pasquale Castellani, puisque vous êtes également parent d'élèves dans Scola Corsa, en plus d'assurer une gestion très concrète de la chose. Les parents dans les écoles, et que ce soit dans les écoles d'Iwan, que ce soit au Pays Basque ou que ce soit en Occitanie, le parent est associé, il me semble, ça fait partie de la philosophie de Scola Corsa, le parent est associé à l'école. Est-ce que d'une certaine manière, il n'y a pas aussi cette possibilité d'offrir à son enfant l'école que l'on souhaite voir, quoi, ou en tout cas d'y participer? Ben, tout à fait, hein. Plus qu'associer le parent, le principe de ces écoles est que les parents se fédèrent en association pour ouvrir l'école de leurs enfants. Donc le parent est partie prenante de l'école, il assure toute la partie logistique, entre autres. Bon, on ne mord pas sur la partie pédagogique qui, elle, est réservée aux maîtresses qui sont sous la houlette d'Anna Gadaline et de Dizep. Mais on essaye d'enrichir en tant que parents l'expérience scolaire de nos enfants à travers des activités périscolaires. Effectivement, là, on a la possibilité de faire une école sur mesure, de proposer des activités qui vont venir ouvrir les enfants au monde. Donc, on a plusieurs exemples qu'on a déjà mis en œuvre. Donc, vie d'exploitation agricole, atelier de chant, atelier de découverte des instruments musicaux, activités sportives. On a fait cette année des ateliers d'anglais parce que voilà, c'est un outil aussi et que ce sont des écoles qui se veulent ouvertes sur le monde aussi, une formation qui doit ouvrir au monde. Et donc, effectivement, il y a cette envie de fournir une expérience la plus riche possible aux enfants. En tant que parent d'élève, quel serait votre retour d'expérience? Parce que vos enfants sont depuis 2 ans, on peut dire, on fait 2 années scolaires dans Scolagours. Le premier bilan personnel, je dirais, pour si on aurait, par exemple, des parents d'élèves qui nous écoutent, qui se demandent un peu. Saint-Hilaire, per me è più che positivo, se mi sei contento, già spiego spesso, ma penso che ho fatto che le idee li sentino, che a scuola è portata dai suoi parenti, che i parenti si impegnano in un progetto di a scuola, cambia completamente lo sguardo che li buona avere non ta d'institutions. Ça, on l'a bien vu au Pays Basque, puisque bon, là, ils sont tout petits, mais on sent au Pays Basque que cette école-là permet le rapport qu'ont les enfants avec l'école est complètement différent, puisque ce sont leurs parents qui se battent, parce que c'est un investissement au quotidien pour tenir debout une école, et quand c'est comme au Pays Basque, le collège et le lycée, et donc les parents font des opérades, se mobilisent, font des événements pour trouver des fonds, et ça change complètement le... On passe d'une école, quasiment une école qui est devenue une école subie, à une école voulue. Voilà, exactement, et même, je pense que c'est très vertueux, alors pour nous qui sommes au début de l'aventure, on ne peut pas encore le mesurer bien, mais ce qu'on a vu au Pays Basque, quand on y est allé, ce sont voilà, des parents qui s'investissaient, mais aussi des enfants, après, quand ils grandissent, qui vont faire du cidre, qui vendent du cidre pour générer pour trouver des fonds pour leur établissement, et ça en fait des personnes qui sont des personnes pleines d'initiatives. On sort complètement de la logique d'assistanat pour aller dans une logique d'entrepreneuriat, et ça a beaucoup de vertus. Voilà, ça a vraiment beaucoup de vertus. Donc on croit beaucoup en ces vertus-là, et c'est pour ça qu'on a franchi le pas de nous lancer là-dedans. Allez, on va continuer à parler à Nagadalina Zantucci, Pasquale Castelloni, Giuseppe Durchini, donc di Sasso jusqu'à la Gorsa, et di ste scuole immersive, donc on va parler di un contenuto, on va parler di noi di un redale, di noi due parole, mi si parla non tanto che si passa trop, perché les Icastolai, il y a quand même de sacrées machines de guerre qui se sont construites ces dernières années et qui méritent d'être mises en lumière. Ci ritroviamo d'aigua qualche minuto, d'un po' di sta senti di Amadialesi. O contrarrelógio. Thank you. Idiom a dialesi, un contra rilogio nantarce FM. Parliamo sempre in stabert invitato di l'assoggio scolagorsa in compagnia di Dise Pudorchini, Pasquale Castellani e Anna Gadalina Santucci. Anna Gadalina Santucci, on a parlé de ces projets pédagogiques hein, qui entourent scolagorsa, de tout entre guillemets, ce périscolaire dans le scolaire. Quand on a affaire à des classes qui, pour le moment, sur scolagorsa, sont des classes de petits, hein, on peut dire il me semble que le panel d'âge, pour le moment, on est sur quelle classe, Anna Gadalina Santucci? On part de 3 ans, on va jusqu'à 6, si je ne me trompe pas. Oui, même un peu avant, puisqu'on a des enfants à partir de 2 ans et demi, hein, c'est-à-dire des très petites sections que l'on prend à la condition qu'il n'ait plus besoin de couches hein, pour la journée, sinon ce serait trop compliqué. Et là, on ouvre nos deux premiers, puisqu'on en ouvre un à Bastia et un à Bigou, il y a nos deux premiers CP. Donc oui, effectivement, ça reste des petits pour l'instant. Hein. Après, voilà, tout dépend des écoles. Par exemple, Corté, qui est la dernière, il n'y aura que des TPS et des PS cette année. Mais dans d'autres écoles, comme Bastia et Bigou, là oui, on va jusqu'au CP. Alors, donc l'apprentissage de la lecture. Voilà, donc on a cet apprentissage de la lecture et puis on le disait, hein, il y a entre guillemets beaucoup d'activités qui sont proposées. Est-ce qu'à cet âge-là, c'est pas tout aussi crucial pour l'éveil de l'enfant que l'apprentissage de la lecture aussi, même s'ils ne sont pas opposés? Oui, bien sûr, toutes les activités qui sont proposées, hein, que ce soit, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le temps scolaire ou sur le temps périscolaire, puisqu'on propose notamment à travers le fait que ce soit une école associative, on propose aux parents d'intervenir sur ce temps périscolaire. Donc on a des parents qui proposent bien des ateliers de chant, des ateliers de musique, des ateliers de sport. On a un papa qui nous a proposé de l'informatique. Alors pour l'instant, ils étaient trop petits, mais peut-être d'ici il y a un an pour les CP, on va pouvoir commencer vraiment des ateliers plus importants d'informatique. Donc c'est vrai que toutes ces activités périscolaires également sont très très importantes. Et le fait aussi que ce soit bien justement les parents qui s'impliquent sur ces activités-là, qui soient présents dans l'école, comme le disait tout à l'heure Pasquale, c'est très très important pour l'investissement de l'enfant dans sa scolarité. Vous y voyez une véritable différence, vous, dans le fait, comment dire, dans la manière qu'ont ces enfants de recevoir le fait scolaire, entre guillemets, le fait qu'il y ait les parents qui s'y impliquent. Est-ce qu'on constate une différence à ce niveau-là? Alors, on constate une différence aussi, notamment, on le voit par rapport au sentiment d'appartenance. On voit vraiment bien que pour eux, c'est leur école. Notamment, on le voit lorsqu'il y a des événements. Eh bien, sans qu'on demande rien aux enfants, ils vont tous vouloir mettre leur t-shirt scolagorsa. C'est leur école, c'est à eux, ils sont contents d'y aller, ils sont contents de participer, d'y avoir des amis. À Bastia, ils ont inventé, c'est les enfants qui ont inventé leur petite chanson sur leur école. Bon, je ne saurais pas vous redire exactement les paroles, mais ils ont inventé une chanson sur leur école. Donc, de même, hein, sans que les enseignantes de leur demandent quoi que ce soit. Donc oui, on voit que ce sentiment d'appartenance est quand même présent. Est-ce que c'est un facteur de réussite supplémentaire? Nous pensons que oui. Après, il n'y a pas d'études précises que nous ayons faites actuellement sur ce sujet. Et d'ailleurs, ce serait très intéressant peut-être de faire un partenariat au niveau universitaire sur ce genre de recherche. Mais effectivement, nous, on voit quand même un niveau scolaire, comme je l'ai dit au départ, hein, dans toutes les matières, qui est très bon. Alors, Anna Gadalina Santucci, ben d'Alessandra qui ci avete fatto piacere di passare a salutarci in questa emissione, sapete che parete vostro da fare, ringraziabbi di essere stata a fianco a noi. Ringraziabbi a voi dall'invito. E a prossima, buona rientrata, intorno a misa di vacanze poi ci siamo. Vacanze, parlate appena in fuori, di queste vacanze. C'est à ça qu'ils ont envoyé juste à fond d'apprendre ça rientrada, ça vers sa rientrada, coup la bertura, di glaceno et di ascolano di gosti. Arringadiabi, a presto. Arringadiabi, buona giornata. Buona giornata a voi. Alors, disait Pudorchini, Pasquale Castellani, Madia Giraberso disait Pudorchini, ces enfants, scolagorsa, ceux qui ont été là depuis le début, par exemple, qui ont 2 ans, quelle langue ils parlent aujourd'hui, concrètement? Ils ne savent plus parler français ou ils sont toujours quand même capables de se faire comprendre dans Paris? Alors, je cite souvent une enquête de l'OPLB, l'Office de la langue du Pays Basque, hein, qui nous enseigne que quand bien même l'enfant est en immersion totale dans son école du matin au soir, comme c'est le cas au Pays Basque, en Bretagne et chez nous, bien, cela ne représente jamais que 11% de son temps d'expression sur une année entière. Donc, le français, vous le voyez, est présent à hauteur de 90% du temps d'expression de l'enfant et de ses échanges. Alors, bien évidemment, s'il est dans une famille corsophone, il va parler plus corse, mais il n'y a aucun souci pour les parents qui seraient désireux ou qui se posent la question d'inscrire leurs enfants éventuellement chez nous. Il n'y a pas de hiérarchie établie entre les langues. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas là pour faire de la compétition, de substituer un monolinguisme à un autre monolinguisme. Nous sommes dans une logique de complémentarité entre les langues. Il ne faut surtout pas les opposer. Elles sont complémentaires. Elles ouvrent, elles donnent des clés différentes à l'enfant et elles leur ouvrent des horizons, encore une fois, immenses, autant qu'elles sont, autant qu'ils en pratiquent. Donc si je comprends bien l'objectif à terme au niveau linguistique, au-delà, bon, vous avez parlé des aptitudes qui se développent notamment dans les sciences avec l'habitude de brasser plusieurs codes linguistiques entre eux. Au niveau linguistique, l'objectif, c'est d'arriver à terme, c'est-à-dire à la rentrée au collège, avec des enfants qui parleraient corse, français, facilement italien, facilement espagnol, et nous avons entendu Pasquale Castellani avec également des notions d'anglais. C'est-à-dire qu'on serait sur un panel linguistique acquis au minimum sur trois langues, avec option d'achat, je dirais, sur deux autres. Tout à fait. Il faut profiter de la plasticité cérébrale de l'enfant, qui est une véritable éponge à cet âge-là. C'est étant de Guicholam para usidil. C'est guardate noi fin parlo ben me et tantigo si l'effort incommensurable qu'a constitué le fait de que nous fassions notre riacuisto des gens qui sont bloqués dans leur expression, qui regrettent amèrement, c'est une frustration énorme pour eux de ne pas parler au moins deux langues, hein, le corse et le français. Mais vous rendez compte, il y a eu beaucoup de regrets, hein, sur nos générations à ce niveau-là. Je l'entends tous les jours, plusieurs fois par jour. Bon, et quand on a la chance, comme vous le dites, d'arriver au CP, mais totalement épanoui dans cette aisance plus plurilingue, le pari est déjà gagné. Bon. Ensuite, il y a le contenu d'enseignement. Le contenu, c'est, il faut que ce plurilinguisme, il faut que cette approche synthétique d'un patrimoine serve aussi à structurer l'enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Les intervenants dont on parlait à l'instant, qui va intervenir sur le monde de l'entreprise? Qui va venir parler de l'agriculture? Qui va venir parler de la forêt? Qui va venir parler de l'histoire? Au fur et à mesure que nous allons avancer vers le collège, les contenus d'enseignement vont s'enrichir. D'accord? Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir réussir ce pari. Alors nous ne sommes pas les seuls, hein, nous ne prétendons pas à inventer l'eau chaude. Il y a des gens qui font un travail remarquable depuis des années dans le système, bien évidemment, de l'éducation nationale, et j'en connais beaucoup, et j'espère en faire partie. Mais si on peut donner ce plus, comme vous le dites, eh bien, le pari sera véritablement réussi. Nous ouvrons nos CP, d'accord ? L'apprentissage de la lecture et de l'écriture va se faire à travers la langue corse. Nous mettons en place une méthode pédagogique innovante. En tout cas, jamais réalisée jusqu'à présent. D'accord? Nous allons insister sur quoi? Sur le fait que la langue corse est une langue magnifiquement phonétique. Elle écrit ce qu'elle entend, elle lit ce qu'elle écrit. C'est formidable pour la simplicité d'apprentissage de l'enfant. Une fois qu'il est passé par le prisme de la langue corse, il va attaquer la problématique plus complexe de la langue française, qui est une langue magnifique, mais qui est une langue, elle est magnifique notamment par le fait qu'elle a une écriture, elle, non pas phonétique, mais une écriture étymologique. D'accord? Lorsqu'on écrit hypothèse en français, ben c'est le grec qui est là au rendez-vous. C'est une langue hypothèse constituée par des grammairiens. Grec, H, d'accord. Mais l'enfant va d'autant plus apprendre facilement le français qu'il est passé par le prisme plus, je dirais, plus pédagogique du corse. Et tira wantetok. E tira un te passe. Allora, muda sta con voi, Pasquale Castellani, dice Pudorchini, muda continua a parlare di Sasso giusto la gorsa. E muda sta sento una canzone, la canzone c'è di noi, l'avete scelta voi, dice Pudorchini. Due parole non ti ha scelta, comunque. E canzone, come dice, c'est tout sauf anodin, le choix des chansons. Allora, grande chanson parmi les grands titres pour moi di Urino, di Osettanta. Pourquoi? Parce qu'il arrive à l'orée des années 80. Diago Muvuzin, bon, immense poète qu'on ne présente plus, qui nous a beaucoup inspiré, lui, Diago Mudier, Diantera Muro, à qui nous rendons hommage et auquel nous nous référons en permanence dans notre pédagogie. Ils ont ouvert la voie pour nous, hein. Et pourquoi Tchédinou? Pour la première fois peut-être, Diago Muvuzin aborde le thème de l'universalité, c'est-à-dire la lutte émancipatrice du peuple corse dans les années 70, elle est ouverte sur toutes les autres minorités qui luttent dans le monde pour la reconnaissance de leur identité. C'est ça le message. Et en plus, il y a cet air toujours inspiré de la tradition, comme chez Gian Paolo Boletti, et ce dynamisme, et puis la voix magnifique du pauvre Pedro Gelfucci, dont nous saluons la mémoire. Allez, achetez ma sante. Girando fulane di pensieri, c'è di nuovo tante razze malaviate, sulle di un mondo che sta via, vive da tante male portate, chi ci mette in un cuore d'allegria, e dottori questi e fuori. Sous Théâtre de la Ville, 81, c'è di nous. Siamo sempre in compagnia di Dize Pudorchini e di Pasquale Castellani per parlare di Lasso jusqu'au la Gorse. Allora, on a parlé un petit peu donc de tous ces avantages et de tout ce dynamisme aussi qui entoure Scola Gorsa. Au niveau de l'offre, aujourd'hui, Pasquale Castellani, on est sur combien d'écoles et combien d'enfants sont passés par Scola Gorsa en deux ans d'activité? Alors aujourd'hui, nous ouvrons notre quatrième site à Corté. Donc c'est notre quatrième école. Donc on a Bigoul, Yatog, Corté et Sarul, hein, si je ne me trompe pas. Bigoul, Yavasti, Sarul, Vercoupino et Corté. Donc quatre écoles. et qui sta rientra da qui con une inscription esseremo franchemo i gento hein franchemo i gente e levi. Donc il y a una dinamica di crescita che è buonissima, che non speravamo mica all'origine, quando abbiamo avviato il progetto, la fa arrivare assai presto, e beh, è molta scienza qui che scuola corsa trova un pubblico, ci sono parenti che sono interessati, che vengono a trovarci, e donc beh, la fa arrivare, ci sono parenti sì di noi, enfin tutti i casi squadre che si sono manifestate per avere sì di noi, non possiamo mica avere a tempo troppo scuole non più, perché ci sono problematiche di cioè, la gestione a crescita e problematiche finanziarie, ma c'è stata domanda a gusti e voilà, possiamo avanzare a un ritmo sostenuto, ma senza fare o basso più grande che l'inforcatura. Quando lo si vede la risposta di un mondo culturale, anche di barretti in Tarabrese, di barretti in scuola corsa, non si può mica no, di che c'era un bisogno, che lo rispondia di nuovo un bisogno, forse anche a un'ingoscia di la società. Le montese assai il primo anno, onde veramente, se continuiamo a renderci conto, ma ci sono assai mani che sono porse per aiutarci, per puntarci, per sostenere un livello finanziario, perché ci sono queste problematiche qui hai già prima che sono importantissime, eh. Dunque abbiamo bisogno di sostegni finanziari giusti e c'è la società corsa che ha risposto, eh, pieno di particolari, di imprese che si sono manifestate e che ci aiutano. E allora, mai abbastanza perché voilà, vogliamo andare presto e i bisogni esattamente, ma veramente si sente che voilà, c'è un'attesa e c'è una rispondiamo a un bisogno dai vecchie generazioni che sono più di ordine da vecchi deli di ma che bene in questo progetto una scienza per la lingua corsa e poi di giovani che dicono di un'offerta scolare che è interessante, che è un modo di imparare alternativo e che è una scuola alternativa assai interessante, che ha assai virtù le muette, da ciò che abbiamo visto e che si girano verso scuola corsa e che ci sostengono e che si mobilizzano, e quello è importantissimo. Senza quello il progetto non seguirebbe mica la traiettoria che lo seguì da oggi. Alors, disait Poudourkine, on parlait de cette base d'inspiration qu'il y a eu sur l'immersif, qui nous vient donc du Pays Basque, de la Bretagne. Il y a même dans les calendrettes, vous êtes parti au Pays Basque et il paraît que là-bas, c'est des institutions étonnantes, peut-on dire, avec entre le poids économique que ça représente et dira l'adhésion de la société, les fêtes pour les Ikastola, il paraît que c'est des événements grandioses. Oui, effectivement, on a tout à apprendre chez nos amis, qui, encore une fois, ont 50 ans d'avance sur nous et qui, c'est vraiment manifeste lorsqu'on se rend là-bas sur place, portent non seulement cette foi, mais cette organisation qui est vraiment structurante et très, très, très efficiente. C'est un écosystème, les Ikastola de Sheaska. Pourquoi ? Parce que sur les toits des écoles, vous avez des panneaux solaires qui sont vendus à Energia Basque. donc, alors, c'est pas pour faire du particularisme et du développement endogène à tout prix, mais ça crée des dynamiques véritablement vertueuses. Vous allez dans les cantines. Autant que faire se peut, les produits consommés par les enfants sont des produits de producteurs locaux. Donc c'est la vertu du circuit court, c'est les vertus du développement durable. Pasquale Nenzo fece allusione all'operazione Cidro che l'hanno fatto voilà, hanno cominciato a piantare meli nei negozi di sostabilimenti. Donc 5 meli, 10, 150, 200. L'ultima volta che noi siamo aperti di voilà, bon, c'è una microvalle, voilà, due luci, 40 ettari di meli, piantati, 40 ettari oriente. E chi vende nu unicamente per i castolà. Allora, dopo se vorrete soggiorni che si installano nella stettere in questione e chi riversano una parte di produzione ai castolà che l'ha aiutato i primi tempi, ma fatto si sta che soggiorni che si installano. Et puis alors, ce qui est magnifique, c'est que ceux qui passent par chez HK deviennent les cadres non seulement de l'école, des collèges, des lycées, parce qu'il faut pas seulement des enseignants, il faut des agents, il faut des techniciens, il faut des CPE, il faut des proviseurs, ouais, il faut des vice-présidents, il faut des secrétaires. Bon. deviennent aussi les enseignants, et puis deviennent les cadres de la société basque. Il y en a qui fondent des entreprises, il y en a qui entreprises y compris reconnues à l'international, qui ont du poids, etc., etc. Donc, encore une fois, sans vouloir se substituer à personne, la véritable ambition, ce serait bien celle-là, de faire du maximum de ces jeunes qui viennent dans nos écoles, encore une fois, les futurs acteurs épanouis et entreprenants d'une Corse fière de ses valeurs, fière de sa langue, qui se servent de cette langue comme, encore une fois, une langue véhiculaire à travers le bassin méditerranéen et bien au-delà. Et puis, de penser aussi à former des citoyens respectueux de leur territoire, donc de la planète. Les enjeux aujourd'hui, nous venons de vivre l'été le plus caniculaire de l'histoire de l'humanité. Il faut vite changer de paradigme. Et quand je parlais tout à l'heure de développement durable, ce ne sont pas de vains mots. Nous avons rencontré l'autre jour les acteurs de FEMOUI, par exemple, entrepreneurs de tout secteur de la société corse depuis 40 ans, eux aussi, et sur le modèle éricois de l'entrepreneuriat basque. Là aussi, il y a une ambition de nous mettre en rapport, pas seulement avec ces acteurs-là, mais avec tous ceux qui le désirent, pour déboucher sur des dynamiques véritablement de construction. Alors, ces dynamiques de construction, on en parlait avec Pasqua Castellani, 4 sites pour le moment. Les objectifs, à onde o asco la gorsa in della Nigibane, non? Alla detta Pasquale, cioè fa veramente, cioè è attenti a un fa o basso biurendo che è un furcadoia, questa, on ne remerciera jamais assez la CDC qui maintenant nous suit totalement dans notre projet, c'est devenu l'opérateur économique numéro 1, hein. Il nous finance à plus de 80%, bon, il faut... Pascal le rappelait, il faut assurer, continuer d'assurer notre part d'autofinancement. Donc, merci à tous les groupes, et vous en faites partie, Mercandria, qui nous ont toujours aidés pour trouver des financements. Nous avons fait des soirées qui ont été de grande réussite cet hiver. Vous avez participé à Ringrazia Bidon. Ciò era rivale. Et puis, malgré le fait que Scola Gorsa devienne une institution régionale, n'ayons pas peur des mots, puisque le vote a été à l'unanimité à l'Assemblée, c'est quand même pas rien, ce sont des signes importants, ça correspond à un besoin qui était attendu, vous l'avez dit à l'instant. Il faut maintenant, le plus dur reste à faire. C'est-à-dire qu'il faut mériter ce statut d'institution. Et il faut pérenniser la structure. Alors les buts, c'est bien évidemment d'ouvrir d'autres sites à la vitesse où il le faudra, hein, parce que en attendant la contractualisation de l'État, on ne peut pas dépenser d'une manière exponentielle les deniers de la collectivité. Ça, c'est un point. Deuxièmement, il faut penser à l'ouverture future de collèges et de lycées, parce que Pasquale le rappelait, ce que nous avons vu là-bas est véritablement fantastique. Des établissements. Oui, parce qu'au Pays Basque, il faut le dire, on porte les enfants de la maternelle jusqu'au bac. Hein, c'est... Jusqu'au bac, donc avec des résultats, je me répète, excusez-moi, le lycée de Bayonne, le lycée de Carré en Bretagne, le lycée de Bayonne au Pays Basque, dans les 10 premiers lycées, pour les résultats au bachelier, au bac, tous les ans. Alors, une dernière question pour Pasquale Castellani. Quattrusi, dis donc, les mouettes. Toga, Biguglia, Corti et Sarula, l'inscription, celui qui vient de nous entendre et qui se dit, on va essayer de le mettre là, comment il procède? Ah, c'est très simple. On a un site internet où vous pouvez trouver les contacts de Scola Gorsa, de Scola Gorsa, voilà, de chaque école, et ou sur les réseaux sociaux, et voilà, il y a les numéros de téléphone, et il suffit de remplir un dossier comme on procéderait pour une inscription dans le public. Donc, il suffit de taper Scola Gorsa sur Internet et on vous trouve. On nous trouve, on est très facilement... Il y a encore des places. On est référencés, il reste des places, oui, dans nos écoles, que ce soit Bastia, Biguglia et Savole Corti. Et sachant que, bon, on reste quand même sur des effectifs qui sont c'est une des volontés et un des principes de fonctionnement du modèle. On reste sur des classes avec des petits effectifs parce que ça permet de faciliter l'apprentissage et la gestion, mais voilà, on est sur des classes qui ne dépassent jamais les 20 enfants, mais il nous reste quelques places. Oui. Allez, a ringraziabi, dice Pudocchini, Pasqua Castellani, ringraziamo di nuovo Anna Gadalina Santucci, che è passata a salutarci in Antoia, Giandre Giannichini, che tira la tecnica, per lasciarci un'occhiata a un'altra bella scuola, una scuola musicale, quella di Veria, scuola in festa, bello progetto anche di noi, dice Pudocchini. Magnifico, so niente che di noi, danno l'esempio da poi anni, che facciano un lavoro tremendo di fondo, e felicitazioni a Feli, a tutta la sua squadra di Vorelli e a tutti quelli che trovano bene la lingua corsa, e a ringraziare per il vostro invito. A presto. A stampa i dologhi, orezza, a portale di là, a stampa i dologhi. Pastore alle tigiani, a un e osio adatti, scuole tonu del legno e un sali castagno. Arte e dirido. Per a tre de jazz e mai di gion e baspete moulon de gida ostu in Castellari Mercurio e udo de gi a usilvareccio. Au programma a te ludioalu vigantu cu isuladine e teres aurore senza scordarsi du mercato d'arte vinile. Feminarte l'on de gi e udo de gi da ostu cu usustenu d'arce FM. France Bleu. Imat.